À l'occasion du 15 avril, le Parti communiste norvégien a fait parvenir un présent au dirigeant suprême Kim Jong-un. Dag Nordium, président du comité du Parti communiste norvégien pour la province de Vestfold en visite en Corée, l'a transmis le discours à un cadre coréen intéressé.